La délégation du Parti de l'État de la République populaire démocratique de Corée, conduite par Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du Comité central du Parti, a quitté le 4 courant La Havane, capitale de Cuba, au terme de sa visite pour participer aux cérémonies consacrées au décès de Fidel Castro Ruz, dirigeant suprême de la Révolution cubaine. Pendant son séjour, elle a visité le musée de la Révolution à La Havane.